Le parti Lumumbiste uni du Congo démocratique a signé à l'historique déclaration de Pyongyang, défendant et faisant progresser la cause du socialisme. À la réunion extraordinaire d'urgence du parti tenue le 15 courant, on a donné lecture de la déclaration de Pyongyang et le secrétaire général Antoine Gizenga y a signé au nom de tous les participants. Le document portant la signature a été transmis à la représentation coréenne dans ce pays.